Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Et quel médecin? Un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Je ne le connais pas, mais il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et si je n'étais sûre que ma mère était un aide-femme, je dirais que ce serait quelque petit frère qu'elle m'aurait donné depuis le trépas de mon père. Fais-le venir. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. J'ai bien peur que vous ne soyez cause de quelque malheur. Encore, vous en venez toujours là. Voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies-là que je ne connais point.